Encore mieux. Une série de lectures proposée par France Culture et le Théâtre du Rond-Point. Texte de GB, choisi par Jean-Michel Ribes, lu par François Morel, enregistré en public au Théâtre du Rond-Point à Paris le 20 juin 2015. « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Premier cosmonaute involontaire, je vous dis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne composez jamais ce numéro sur le cadran d'une cabine téléphonique publique. 17 heures. Je n'ai rien à faire jusqu'à 18 heures. Désœuvrement complet, boulevard Poniatowski, 12e arrondissement. J'aperçois une cabine téléphonique publique vide. J'entre. Aussitôt à l'extérieur, une file d'attente se forme. À sa tête, un homme gris et raide qui a tiré sa montre et commence à compter les secondes. Il a une main sur la poignée de la porte et, sur la langue, l'apostrophe qu'il me jettera dans 3 minutes. Me voilà contraint de téléphoner. Je glisse une pièce, je décroche, et comme je n'ai rien à dire à qui que ce soit, je plante un doigt au hasard sur une touche du cadran, le 7. Après, tout naturellement, en décroissant, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. L'habitacle vibre. Le fil du téléphone oscille. Mon sang se fige dans mes veines. Mon corps pèse soudain 6 fois plus que son poids normal. Je suis parti. Une minute plus tard, la cabine est sur son orbite à la vitesse de 28 000 km/h. En 60 secondes, j'ai vu sous mes yeux le plan du 12e arrondissement s'élargir jusqu'aux dimensions du plan de Paris au 3000e, puis de la carte cycliste de l'Île-de-France, enfin de la carte physique de la France, plus la Corse, laquelle n'est déjà plus qu'un point infime sur la map monde autour de laquelle j'amorce ma première révolution. Première constatation, la Terre est bien ronde, comme cela a été affirmé tant de fois. Autour de moi, ce que l'on imagine lorsque l'on fait l'effort d'y penser de la Terre. « Quel spectacle! Tout est magnifique !» s'est exclamé John Glenn. Il n'y a rien à ajouter à cela, sinon que cette coïncidence trop parfaite entre les idées reçues et la réalité est des plus suspectes. Moi, j'ai l'excuse d'être parti précipitamment et de n'avoir pas eu le temps de me délester de mon bagage de clichés scolaires. Mais je m'étonne que tant de cosmonautes se soient envolés pour voir quelle forme avait la Terre en emportant la certitude de sa rotondité. J'espère un jour revoir une terrasse de café pour y développer un peu tout cela. Puisque j'ai la chance d'avoir le téléphone, je vais m'en servir, mais cette fois pour de bon. Dans une poche, je retrouve une pièce. J'appelle le journal. Le rédacteur en chef m'écoute un moment, puis m'interrompt. « Expliquez votre truc à la secrétaire, je suis occupé. » Il pense certainement qu'une voix féminine m'aidera à mieux supporter mon épreuve. Très chic de sa part. La secrétaire fait « Allô, allô, je vous entends très mal, où êtes-vous ?» Je lui explique mon histoire en 2 mots et je la charge de se renseigner rapidement sur les manœuvres à effectuer pour regagner la Terre quand on se trouve à bord d'une cabine téléphonique publique effectuant un vol spatial. Elle me répond que je n'ai qu'à consulter le mode d'emploi fixé sur le devant de l'appareil. Ce n'est pas bête, ça. Je lis. Mettez une pièce, décrochez le récepteur, attendez la tonalité. Rien concernant le retour sur Terre, je le dis à la secrétaire, elle me répond que je n'ai qu'à demander les réclamations, mais je n'ai plus de pièces. Alors, passez donc au bureau, ce sera plus simple, puis j'ai du travail et crac. Elle a raccroché. Brusquement, je me rends compte qu'il va m'être difficile d'intéresser sérieusement quelqu'un à ma situation. Je raccroche, assez déprimé. Kling, c'est ma pièce qui est redescendue. Ce sont des choses qui arrivent. L'espoir renaît. Il me reste une chance. Surtout, ne pas la gâcher. Très vite, je fais défiler dans ma tête les visages de ceux que je connais et qui me connaissent et qui possèdent le téléphone. Et je cherche désespérément parmi tous ces yeux, ces nez, ces bouches, ces mentons, ces plis de visage, ces pores de tête, le signe extérieur d'un esprit compréhensif, vif et raisonnable. Il est très dur d'avoir à conclure à 264 kilomètres d'altitude qu'il n'est pas un visage d'ami, de parent ou de femme sur lequel on oserait risquer en toute confiance sa dernière pièce. J'ai beau supplier ma mémoire, pas un seul regard noble et flamboyant ne s'y présente. Rien que des clins d'yeux complices et rigolards. Pas une mâchoire héroïque et crispée. Rien que des bouches à blagues. Pas une narine frémissante. Pas un sourcil intrépide. Rien que des faces molles. Où êtes-vous, Michel Strogoff? 17h05. J'entends un coup sec frapper à la vitre derrière moi. Ma transpiration jusque-là abondante se tarit. Ma sueur se glace. Je tourne avec peine la tête avant que mon cou ne soit complètement solidifié. L'homme gris et raide est là, tenant la porte ouverte, les pieds sur le rebord de la cabine. Cinglant, il me jette. Mon petit monsieur, cela fait 3 minutes que je suis pendu à cette poignée de porte, attendant patiemment que vous ayez fini de papoter avec vos petites amies. Je sais que la courtoisie n'étouffe pas les gens de votre âge, c'est pourquoi, sans autre forme, je vous prie de me céder la place. À notre époque, si on est bon, on vous prend pour une poire. Je sais ce que vous avez pensé tout à l'heure en me passant sous le nez d'un air goguenard. J'aime autant vous dire, mon petit bonhomme, que vous vous êtes trompé d'adresse. Pour m'exprimer comme la nouvelle vague, vous êtes tombé sur un bec. Mais monsieur, pas de monsieur, filez, vous m'entendez? Il tend le cou vers moi. Vous m'entendez? Tout contre mon visage, il braque le sien. Sa mâchoire est crispée, sa narine frémissante, son sourcil droit, haut levé, et le gauche, menaçant, souligne un regard flamboyant. Michel Strogoff. Je lui demande son numéro de téléphone, et c'est alors que je reconnais mon erreur. Son masque devient hideux. Il m'attrape par le col. Je n'ai jamais pu supporter cela. Nous nous battons. Maintenant, nous survolons le Congo. Nous pouvons apercevoir le vert presque noir de la forêt, puis tout de suite à bâbord, l'océan Indien. Pas d'incident notable en ce qui concerne le vol lui-même. Tout est OK. L'exiguïté de la cabine rend le combat assez confus. Une polka d'ours dans un aquarium. Enfin, la première timidité passée, nous nous efforçons de nous envoyer des coups de poing dans la figure. Je lui place calmement le mien sur l'œil, puis, utilisant le peu de course dont je dispose, j'effectue avec mon bras un mouvement de piston. Un instant démoralisé, il cherche une réplique. Il trouve. Un grand coup de griffe me laboure le visage. J'ai le tort de faire un pas en arrière en hurlant de douleur. La porte, dans mon dos, me refuse son appui et je bascule dans le vide. 17h08. C'est la descente. Je n'ai pas suffisamment étudié mon point de chute. Où vais-je atterrir? J'aperçois bien la map monde là-bas, toute petite, mais la lutte m'a un peu brouillé la vue. Je ne distingue rien de précis. Enfin, je suis rassuré. La France plus la Corse fonce vers moi. Et voici les jolies couleurs de la carte cycliste de l'Île-de-France, puis la toile d'araignée du plan détaillé du 12e arrondissement. 17h10, boulevard Poniatowski. À quelques pas de moi, 4 personnes en file indienne semblent attendre quelque chose. Devant la première de la file, un espace noir et carré fume sur le pavé. Je les regarde aussi longtemps qu'il m'est possible par la vitre arrière du taxi qui m'emporte. Lorsque la voiture vire à l'extrémité du boulevard, elles n'ont pas bougé. 17h30. Le journal. Au rédacteur en chef qui me demande comment je vais, je réponds « Bien ». À la secrétaire qui s'informe de ce que je désire, je réponds « Rien ». Le téléphone sonne. Je décroche. La voix est lointaine et comme essoufflée. « Écoutez, écoutez-moi, m'entendez-vous? Pour l'amour de Dieu, ne raccrochez pas. Je m'adresse à votre journal parce que, tout bien réfléchi, vous êtes les seuls à pouvoir prendre au sérieux une aventure aussi folle. Vous êtes nouvelle vague, alors vous me croirez. Promettez-moi de me croire. » « Qui est à l'appareil ?»« Mon nom importe peu, d'ailleurs je ne suis pas très sûr de bien m'en souvenir. La dernière personne que j'ai rencontrée m'a appelé Michel Strogoff. C'est une histoire fantastique, inouïe. » « Justement, son histoire, je la connais, alors j'ai raccroché. Je travaille, moi. » L'OPGMP. 10 millions d'anciens francs tombent chaque jour de la poche des Parisiens. L'OPGMP les ramasse. Un Parisien sur 100 perd une pièce de monnaie chaque jour. De 6 heures du matin à 10 heures du soir, il tombe sur le sol de Paris quasiment 50 000 pièces, soit environ 52 pièces à la minute, presque une pièce à la seconde. L'OPGMP, Office privé de glanage de la monnaie perdue, estime à 5 000 pièces de 20 centimes, 8 000 pièces de 50 centimes, 15 000 pièces de 1 franc, 15 000 pièces de 2 francs, 5 000 pièces de 10 francs, soit 10 millions d'anciens francs, le montant de son butin journalier. Je suis allé interroger le directeur de cette surprenante entreprise, totalement inconnue du public. Avec lui, vous comprendrez enfin pourquoi l'argent qui tombe ne pousse pas. C'est que l'OPGMP ne lui en laisse pas le temps. Je n'ai pas honte de le dire, il y a 5 ans, j'étais pauvre. L'homme qui prononce ces mots est séparé de moi par un vaste bureau d'acajou massif. Le bureau lui appartient, et le nécessaire de bureau en crocodile qui le garnit, et la pièce, et l'immeuble, et à l'entrée de l'immeuble, la petite plaque de marbre noir portant les lettres dorées OPGMP. L'OPGMP, Office privé de glanage de la monnaie perdue, c'est lui. Et l'OPGMP, c'est 1 million par jour. Il y a 5 ans, jour pour jour, je n'étais qu'une épave dérivant sur un trottoir et crevant de soif. Dans ma poche, je faisais glisser et reglisser les mêmes pièces entre mes doigts. Les mêmes pièces, le même compte, juste pour un demi de bière, rien pour le pourboire. Je n'osais encore affronter le mépris du garçon de café, pourtant je savais que, dans peu de temps, ma soif l'emporterait sur ma dignité. La honte à venir me fit baisser le front. À mes pieds, je vis 100 sous. Ce fut moins une aubaine qu'une révélation. Je sentis nettement une graine d'idée tomber sur mon cerveau et, grâce à la bière, cette idée germa rapidement. Quand je sortis du café, je contemplais la ville avec des yeux neufs. Paris s'ouvrait devant moi comme un grand porte-monnaie. Dès cet instant, je n'allais plus que tête baissée, l'œil rasant, les mains en alerte. Le premier jour, je cueillis l'argent pour 2 sandwichs et une bière. Le lendemain, à l'aube, je repartais en chasse. En marchant, je pensais aux moyens d'améliorer ma technique. Je dégageais bientôt cette règle. L'argent tombe là où l'argent change de main. Partout ailleurs, il ne faut voir que désert, qu'humecte parcimonieusement de trop rares poches percées. Je traversais rapidement les déserts et limitais mes investigations aux oasis, kiosques à journaux, caisses des cinémas, les grands surtout, où les tapis amortissent le bruit de la chute, guichet de gare, départ banlieue où s'échangent bien plus de pièces qu'au départ grande ligne. Et d'ailleurs, les billets de banque trop légers tombent peu, ou s'ils tombent, leur chute lente attire facilement le regard du propriétaire ou des voisins. Boutique des vendeuses de billets de loterie, PMU, fleuriste des carrefours. Certains jours, je me consacrais au métro. Visite des guichets, auscultation rapide des billets à terre. Un billet sans trou m'ouvrait l'accès au quai, comme à n'importe qui, mais je me souciais peu de voyager. Seule m'intéressait la bande de quai située sous les longs bancs étroits dont la légère inclinaison en arrière favorise l'écoulement de la monnaie de pantalon. Un mois après ma première glane, si je me nourrissais toujours de sandwich, c'était uniquement pour gagner du temps. Je bondissais littéralement de kiosque en guichet. Cette folle activité dura un an. J'avais atteint un bon rendement, mais je plafonnais. Je sentis que le temps était venu de franchir une nouvelle étape. Pour cela, je devais me concentrer. À cette époque, j'eus deux songes. Dans le premier, j'étais assis sous un arbre, en bordure d'un immense champ où poussaient des kiosques à journaux et des guichets de toutes sortes. Le soleil, dans un mouvement uniforme, mais anormalement rapide, se levait, décrivait son arc et se couchait. Les nuits et les jours se succédaient très vite. Sur le champ tombait sans interruption une pluie drue de pièces de monnaie. Des glaneuses parcouraient le champ et venaient déverser à côté de moi, sur un tas déjà haut, leur plein tablier de petites pièces. Dans le second songe, j'étais un grand kangourou et je voyais Paris sous moi tout entier. Chaque pièce qui tombait émettait une petite lumière en arrivant au sol et aussitôt je bondissais dessus. La peine de les ramasser m'était épargnée car les pièces restaient collées sous mes larges pattes. Lumière, un bond, une pièce. Lumière, un bond, une pièce. Toutes ces pièces collées me faisaient des semelles qui, sans arrêt, s'épaississant, me grandissaient. Sans arrêt grandissant, je découvrais, bien au-delà de Paris, de nouvelles petites lumières et je sautais de plus en plus loin, de plus en plus vite, étendant mon champ d'action à mesure que mon altitude me permettait d'embrasser un plus vaste paysage. Ce dernier rêve peut vous faire sourire, mais je tiens à vous signaler que l'OPGMP va bientôt couvrir toutes les grandes villes françaises et que je suis en pourparler avec des groupes financiers étrangers en vue d'établir des filiales dans les grandes capitales. Mais revenons à ma retraite. Je ne passais pas uniquement mon temps à rêver, quoique ces illuminations m'inspirèrent les idées maîtresses de mon organisation actuelle. En un mois, je conçus le plan qui devait me rendre maître du sol parisien. Dans chaque zone privilégiée où la densité de chute des pièces est la plus grande, kiosque, guichet, etc., je disposais un mouchard, un poste émetteur minuscule pouvant être dissimulé dans un mégot. La proximité d'une pièce métallique le met en fonctionnement et tant que la pièce est à sa portée, l'émetteur envoie son numéro de code. Les appels des émetteurs sont reçus au tableau du poste central que nous avons visité tout à l'heure. À chaque émetteur correspond une lampe du tableau de contrôle qui en comporte 3000. 3000 lampes, 3000 émetteurs, 3000 zones de chute. Le tableau est divisé en 120 secteurs de 25 lampes chacun. 20 opérateurs en assurent la surveillance. Bien entendu. Nous avons également divisé Paris en 120 secteurs dans lesquels évoluent 120 glaneurs reliés par phonie aux opérateurs du poste central. Vous avez pu remarquer à quel rythme s'allument les lampes du tableau, mais la répartition des secteurs est telle. Certaines gares sont couvertes par 3 et parfois 4 secteurs qu'un glaneur n'est jamais sollicité plus d'une fois toutes les 2 minutes. En plus des opérateurs et des glaneurs, nous avons des équipes de mise en place et de ramassage des émetteurs. Le matin, ils jettent leurs mégots. Le soir, ils piquent les mégots. Ces mêmes équipes assurent la surveillance, le dépannage et éventuellement le remplacement des émetteurs. De plus, ils soulagent régulièrement les glaneurs de leurs moissons de pièces. Songez qu'ils passent, par jour, dans les mains d'un glaneur, un peu plus de 400 pièces de toutes sortes et que, si on ne le délestait de temps en temps, il finirait sa journée avec 2 kilos en poche. Soudain, le regard du directeur se fixe sur moi. « À mon tour, monsieur, j'aimerais vous questionner. Comment avez-vous eu connaissance de mon organisation et comment êtes-vous parvenu jusqu'à moi ? Beaucoup de personnes savent que je dirige l'OPGMP, mais aucune, à ma connaissance, n'a jamais eu la curiosité de chercher à savoir ce que recouvrait ce sigle. J'imagine donc mal d'où part votre piste. Je lui réponds que j'ai tout simplement suivi le cycle du glanage. Ma curiosité n'avait pu manquer d'être excitée le jour où, m'apprêtant à ramasser une pièce, un individu, arrivé en trombe, m'avait littéralement balayé de son chemin et s'était jeté droit sur la pièce avec une décision et une avidité que n'ont pas les ramasseurs occasionnels, généralement soucieux de passer inaperçus. Le bonhomme escamota la pièce presque sans s'arrêter, et moi, comme fasciné, je le suivis. Vous pouvez imaginer mon étonnement lorsque, toutes les 2 ou 3 minutes, au terme d'une marche sans hésitation, je le voyais arriver sur une pièce, la happer et repartir mystérieusement appelé par une autre. Le soir même, je connaissais l'adresse de l'OPGMP. Je soupçonnais quelque chose de ce genre, mais je n'aurais jamais pensé que le ramassage méthodique de la monnaie perdue puisse se faire d'aussi magistrale façon. Malgré cela, je ne me réjouis pas complètement, car je suppose que vous allez exiger de moi le secret. Monsieur OPGMP se met à rire. Et pourquoi le secret? Puisque de toute façon, personne ne vous croira. Vous-même penserez avoir rêvé en sortant d'ici. Je lui fais remarquer que je connais assez de détails pour rendre vraisemblable mon futur article et que je me sens capable d'exposer le fonctionnement du glanage avec suffisamment de clarté pour convaincre les plus sceptiques et même susciter des vocations chez certaines natures entreprenantes. Un peu irrité par le peu de cas qu'il fait de mes scrupules, je m'acharne et j'insiste. Peut-être ne redoutez-vous pas la concurrence, mais il y a une autre conséquence à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Imaginez que les Parisiens, avertis, manipulent leur monnaie avec une soudaine précaution. Du jour au lendemain, voilà les mégots muets, le tableau sans vie, les opérateurs sans voix et les glaneurs désœuvrés. Pour toute réponse, monsieur OPGMP me rit au nez. Je me lève. Il fait de même, contourne gracieusement son bureau d'acajou, puis, riant toujours, s'approche du fauteuil que je viens de quitter. Il passe la main entre le siège et le dossier et me tend 2 pièces de 20 centimes. « Tenez, dit-il, elles sont à vous. Il n'y avait rien là avant votre visite. Mais croyez-moi, si vous voulez sincèrement que vos lecteurs prennent votre reportage au sérieux, évitez de conclure par cette anecdote. » C'était Encore mieux, une série de lectures proposée par le Théâtre du Rond-Point à Paris et France Culture. Enregistrée en public le 20 juin 2015 au Théâtre du Rond-Point. Texte choisi par Jean-Michel Ride, extrait de Reportage pas vraiment raté de GB, paru aux éditions Le Dilettante, lu par François Morel. Équipe technique: Bernard Legac et Delphine Baudet. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Remerciements à Yann Quedlot et à toute l'équipe du Théâtre du Rond-Point.